Toza bongo na sistema de babor et qui ringo zol de Zimagola. Ok, botou, hein. Allez, ma coquille là. Je mérite Kengen Kumbo. Papi Boketa. Je m'en tingue à Biengovitch. benga Philippe Kazaku, Yona Bavongo Bino Makengo, Franck Kando Mams Kamavwa pour le salon des artistes. Fidèle Babala, Bouya Mayola, le pétolé en Mouga Moukwa, Jisseme ya Papa Nassara. La guerre des 100 ans, le baron Eric Kenzo. Yonele Moussey Grolo, Lili Onemaka Grave, Corinne Yakini, drôle des dames, Jean-Willy Ntik, Davos Lelo, Tobina.